T'es mon ami, t'es pas ma femme. Je te vois souffrir, je sais pas quoi dire. Je ne suis pas un docteur de l'âme. Je suis ni ton frère, ni ton mari. Si c'est de lui que tu ne veux plus, alors dis-lui, et m'en parle plus. Tu veux que je te dise, t'es comme ton sac, toutes les choses de ta vie en vrac. Une dose, une rose, un CD de Bach. Quant à tes fringues, tu ressembles à rien. C'est de la techno sur du satin. Il a peut-être pas tort, ton amant. Tes prises de tête, ça devient lassant. T'es mon ami, t'es pas ma femme. Je te vois souffrir, je sais pas quoi dire. Je ne suis qu'un ramasseur de larmes. Je suis ni ton frère, ni ton mari. Si c'est de lui que tu ne veux plus, dis-lui à lui et m'en parle plus. Tu veux que je te dise, tu sautes les plombs, tu mets les carrés dans les ronds. Une pomme, une gomme, un Céline Dion. Mais moi ma vieille, j'y suis pour rien. L'amour des autres, ce n'est pas mien. Tu veux que je te dise la vérité, je suis content que tu veuilles le quitter. T'es mon ami, t'es pas ma femme. Ça me fait du mal de te voir souffrir, mais j'ai horreur des mélodrames. Reconnais que ce n'est pas de ma faute. Je ne mérite pas des cris comme ça. Celui qui ne te plaît plus, c'est l'autre. Tu veux que je te dise, je te reconnais pas. Je t'ai jamais vu dans cet état. Tes pleurs, tes fleurs, ta chanson de moi. Fais un effort, maigris un peu. Redeviens la fille aux yeux bleus. Apprends la chanson d'Aznavour et ça recommencera comme toujours.